Rue en face est en sens interdit? Oui, réponse A. Non, réponse B. À sens unique? Oui, réponse C. Non, réponse D.